de Rachel de Caro, SNSM. Enregistré par Christiane Johan pour audiocité.net. SNSM. Pour tous ces volontaires sauveteurs qui viennent de perdre trois des leurs, à tous ces bénévoles marins du cœur qui bravent le danger et la peur, au secours d'inconnus d'ailleurs, infatigables guetteurs contre le pire et le malheur. Ils se veulent les fidèles veilleurs, l'amitié est leur vraie valeur, jusqu'à la dernière heure. 9 juin 2019. La SNSM est la Société nationale des sauveteurs en mer. Association loi 1901. SNSM de Rachel de Caro, œuvre publiée sous licence Creative Commons BY-NC-ND 3.0 en lecture libre sur atramenta.net.